Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie Air Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie Air Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. On va parler de soccer avec Véronique Pilote de l'Association de soccer de Dolbeau-Missassigny. C'est une belle nouvelle qui a passé durant le temps des fêtes. Ça fait longtemps qu'on travaillait sur ce dossier-là du côté de l'association. Ben, ça a été confirmé en 2019. Jean Dolbeau, il y aura un éclairage sur le terrain de la tout près de la polyvalente Jean Dolbeau. On en parle avec la présidente Véronique Pilote. Salut Véronique! Bonjour. Véronique, c'est une belle initiative, c'est une belle nouvelle, ça, pour le soccer à Dolbeau-Missassigny, pour le développement du soccer à Dolbeau-Missassigny. Oui, vraiment, parce que plus ça allait, plus on a d'équipes, donc plus on manquait un peu de disponibilité de terrain. On avait deux équipes seniors l'été passé, une féminine, une masculine, juste un terrain éclairé, qui était le parc Lyon, qui était pas tout à fait assez grand pour le soccer masculin, surtout. Ouais. Donc, ça nous prenait vraiment un éclairage à Jean Dolbeau, là, par sécurité aussi, parce que même les arbitres de l'extérieur trouvaient ça dangereux de venir arbitrer le senior masculin, parce que le terrain était trop petit. Okay. Les joueurs se pilent dessus. Là. Donc, c'est un bel investissement. C'est avec une collaboration avec la ville, j'imagine, que vous avez fait ça? Oui. Ben en fait, pour l'été prochain, là, c'est une idée qu'on a eue. On va louer des gros éclairages qui mettent sur les chantiers de construction. Okay. Donc, on va louer ça pour la période estivale là, pour éclairer le terrain, là, en espérant éventuellement avoir un éclairage permanent. OK. C'est ce qu'on souhaite travailler avec la ville là, pour le long terme. OK. Mais ça, c'est-tu coûteux? Ben là, c'est la possibilité la moins coûteuse que vous avez fait. Oui, ben c'est ça. Il faut quand même que ça éclaire assez, donc ça prenait quand même des gros éclairages. Ça nous en prend deux, un à chaque extrémité. Okay. Donc oui, c'est quand même une belle somme là, que ça coûte de location. Est-ce que vous avez eu des pressions de l'ARS pour éclairer le terrain? Parce que quelque part, là, vous me dites, c'est pour cette année, on va essayer ça, puis on continue pour avoir un éclairage permanent. Est-ce que vous avez eu comme des pressions de l'ARS pour dire, là, l'an prochain, 2019, il faut que ce soit éclairé? Ben pas exigé officiellement, okay. Mais très, très, très fortement recommandé. OK. Puis ça, j'imagine ouais. Que ça va aider beaucoup aussi sur... Ça va aider énormément aussi pour le recrutement du soccer, là. Ben, on espère. C'est sûr que je te dirais que c'est pas tant le nombre de joueurs notre problème de recrutement, c'est les arbitres et les coachs. Quoi. Donc, on lance l'appel. S'il y a des gens intéressés, contactez-nous. Okay. Il y a des formations offertes, puis on est toujours ouvert, parce qu'on manque toujours d'entraîneurs et d'arbitres. Ben, c'est ça. C'est toujours la possibilité. C'est comme dans n'importe quoi. Le hockey, c'est la même chose. Les entreprises, c'est la même chose. Il manque de monde partout. C'est assez impressionnant de voir et ça. Oui. Là, j'imagine que vous êtes en recrutement aussi. Vous êtes en recrutement de main-d'œuvre aussi, j'imagine. Pas de main-d'œuvre, mais d'arbitre déjà. Pour la prochaine saison. On a déjà commencé, là, nos recherches, là, surtout par la page Facebook de l'association. OK. Puis, okay. C'est ça, on va certainement probablement avoir besoin de nouveaux coordonnateurs là, pour la prochaine saison. Fait qu'on va regarder ça là, parce que Dave Lamontagne, dans les prochaines semaines. Il ne revient pas, je pense, si je m'abuse. Véronique, non, pas pour nous. Si on parlait du futsal, oui. Ça va-tu bien de ce côté-là cette année? Oui puis non. OK. C'est un peu compliqué. Les plus jeunes, ça va bien. U10, U12, ça va quand même assez bien. Il y a beaucoup d'équipes partout dans la région. Ça, il n'y a pas eu de problème. C'est au niveau des plus vieux là, qui manquaient de joueurs. Donc, ils ont été obligés de faire des regroupements pour permettre une ligue, mais ça, ça a compliqué un peu les choses. Fait que, en U14-16, il n'y a pas beaucoup d'équipes. On joue juste avec Dolbeau-Saint-Félicien, il n'y a pas d'équipe ailleurs. OK, OK. C'est à ce niveau-là, c'est un peu plus dommage. OK. Dis-moi, est-ce que tu reviens... là, je pense que l'Assemblée générale, normalement, c'est à la fin avril. Est-ce que tu reviens cette année? Est-ce que c'est vraiment... Non, elle est à la fin janvier, notre Assemblée générale. Fin janvier, OK. Est-ce que tu reviens? Ben, je vais me représenter. OK. Et on verra bien si je vais être encore élu. Normalement, il ne va pas avoir de problème. Ben, Véronique, on se parle bientôt. Puis félicitations pour votre beau partenariat avec la ville de Dolbeau-Missassini. Merci beaucoup. Véronique Pilote, la présidente de l'Association de soccer de Dolbeau-Missassini.